woke up, baby. J'ai la classe, c'est ce que ne savent pas les flics. Tour de magie, les rappeurs sont soporifiques. J'aime pas leur zik, que leur rimeur. La perfection gueule comme Teddy Riner. Par ailleurs, j'accélère, j'pars pas ailleurs. T'as le cul et un sous ma gueule, t'as la laideur. Le son, les écouteurs, en a deux dans le baladeur. J'manquerai pas l'opportunité de gérer ta sœur. J'en ai rien à foutre d'être, de ne pas être. Les rumeurs finiront dans leur gazette. On voit jamais comme une cassette. Cache tes larmes, mon frère, sous ta casquette. I am l'échange, ma voix is fabulous nas. Bien carfoulé comme pote, il you ass. J'fais du rap au sens péjoratif. Mon frère, t'as craqué, t'es comme un préservatif. En dédicace la mif aux années passées. T'as fait du mal, ma gueule, à faire casser. Il va derrière, vaut mieux tracer. J'ai 15 meufs, mais qu'est-ce que tu me parles de casser. En dédicace la mif aux années passées. T'as fait du mal, ma gueule, à faire casser. Il va derrière, vaut mieux tracer. J'ai 15 meufs, mais qu'est-ce que tu me parles de casser. Personne derrière moi. Quel charlot klaxonne, mais lui la fessée si elle est archi bonne. Change la donne si elle est archi conne, mais lui la douille si elle est archi stone. Que j'arrête les gars, c'est ce qu'ils espèrent. La tête d'un hamster, la hystère. Il pleut de la jalousie, mais comment s'abriter. Je pose les clips et ça commence à briller. Kayaté, pas besoin de blablater. Dans mon lit, fais même les prises de karaté. T'as pas écouté l'album, dis-leur ce qu'il a raté. T'as la lyrique dilatée, bébé, dis-leur ce qu'il a fait. En dédicace la mif aux années passées. T'as fait du mal, ma gueule, à faire classer. Il va derrière, vaut mieux tracer. J'ai 15 meufs, mais qu'est-ce que tu me parles de casser. En dédicace la mif aux années passées. T'as fait du mal, ma gueule, à faire classer. Il va derrière, vaut mieux tracer. J'ai 15 meufs, mais qu'est-ce que tu me parles de casser. It's woke up, baby.